Bonjour, je m'appelle Paul. Et toi ? Moi, c'est Olga. Tu es russe ? Oui, et toi ? Moi, je suis américain. Ton prof, c'est qui ? C'est Jules Picard. Regarde, c'est lui là-bas.